Vous voyez ici ce qui se passe. Il est dit ici au verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Sans avoir dit à personne. Des fois, même dans ta propre famille, ton propre grand frère, ta sœur, le Seigneur te dit, il ne faut pas lui dire. Ce n'est pas encore le moment. Nous connaissons ce qui s'est passé avec le jeune Joseph. C'est vrai que Dieu lui a montré une vision, mais il n'était pas sage. Il a partagé avec ses frères. Voici ce que j'ai fait comme songe. Il a raconté. Les frères l'ont combattu. Heureusement que Dieu a transformé le mal en bien. Néhémie est resté discret. Et il dit encore au verset 15, « Je montais des nuits par les torrents. » Et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fis ainsi des retours. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Donc il était discret, il a gardé cette vision secrète. Ce n'était pas encore le temps. C'est au temps opportun maintenant qu'il a jugé partager avec eux. Deuxième vérité, un leader doit apprendre à mobiliser ceux qu'il dirige pour le suivre dans sa vision au point où il s'en approprie. C'est ça. Quand tu es un leader, comme Néhémie, c'était un leader. Il avait la vision de venir rebâtir la muraille, mais il ne pouvait pas le faire seul. Il avait besoin de mobiliser tout le peuple d'Israël en commençant d'abord par le leadership, les grands. Alors, il devait maintenant savoir comment les dire, comment convaincre, comment persuader. C'est ça un leader. Il est dit ici, au verset 17, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite. » Et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Vous voyez, lorsque un leader sait parler, sait convaincre, sait mobiliser, les gens qu'il dirige vont s'approprier de la vision. Ils vont dire, nous ferons ceci. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. C'est-à-dire, ils se sont appropriés de la vision. Nous, il faut que les gens que nous dirigeons puissent arriver à dire, nous ferons ceci. Les leaders seuls ne peuvent rien faire. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu es leader, lorsque tu es nommé un poste de responsabilité, comme directeur, directeur général, comme directeur d'école, comme chef de service et comme pasteur, il faut apprendre à mobiliser les autres, à communiquer pour que les autres puissent s'approprier la vision que tu as et qu'ils puissent dire, nous ferons ceci, nous irons avec toi, nous allons faire ceci. Troisième vérité. Lorsque nous avons une vision, nous devons nous attendre à l'opposition, mais comptons sur Dieu qui nous donnera du succès. Oui, il faut s'attendre à l'opposition. Je veux dire à quelqu'un, mon ami, lorsque par exemple Dieu te met à cœur d'entrer dans le ministère, tu viens de commencer un ministère, tu viens de commencer une église, Dieu t'a montré une grande vision, un ministère qui va s'étendre sur le plan national et international. Il y aura des combats. Les combats commencent d'abord par les proches. Est-ce que tu comprends? Lorsque Dieu te donne la vision de commencer une entreprise, tu seras combattu. C'est normal. Tout ce qui vient de Dieu sera combattu. Mais la Bible nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ici, Néhémie a fait face à l'opposition d'un groupe dirigé par Sanballat Tobija. Vous voyez, il est dit au verset 19, « Sanballat les Horonites, Tobija les serviteurs Ammonites, les Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Il y a des Sanballat parfois même dans nos églises, des gens qui sont là pour combattre la vision. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, tu es dans les œuvres de sorcellerie et tu viens dans l'église, non pas pour être édifié, mais tu viens pour combattre le ministère de ton pasteur. Dieu me charge de te dire, repens-toi parce que sinon Dieu va te dévoiler et Dieu risque de te frapper. Tu ne dois pas t'opposer à l'œuvre de Dieu. Il y a des Sanbala et des Tobija. Même dans nos entreprises, il y a des Sanbala et des Tobija. Des gens qui, lorsque tu veux accomplir quelque chose, ils vont là, ils vont te décourager, ils vont te mépriser, ils vont te dire ça ne va pas tenir, ça ne va pas arriver. Tu ne dois pas les suivre, mais tu dois compter sur Dieu. Sur celui qui t'a donné cette vision, il te donnera du succès. Écoutez ce que Néhémie dit au verset 20. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Quand tu connais ton identité, tu connais ce que tu es en Jésus, tu vas dire, nous, ses serviteurs, nous, ses héritiers, nous, ses co-héritiers, nous aurons du succès. Je vais parler à une dame. C'est Dieu qui t'a positionné au poste que tu as. Tu as des Sanbala, des gens qui convoient ton poste. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est Dieu qui t'a donné cette grande mission. Elle est difficile, mais Dieu t'aidera. Tu auras du succès et tu vas témoigner qu'il y a un Dieu qui est vivant. Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Est-ce que chacun de vous peut dire, le Dieu des cieux me donnera du succès? Dis encore, le Dieu des cieux me donnera du succès. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces chants. Fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur, grande. Incomparable, nul n'est Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, disons merci au Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous donne du succès. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Néhémie chapitre 2, versets 9 à 20. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous vous saluons à partir d'Abidjan, toute l'équipe OSB. Si cette émission vous fait du bien, nous serions intéressés d'avoir un retour, un témoignage sur ce que Dieu est en train de faire. Comment Dieu vous fortifie, vous restaure à travers OSB. Partagez OSB avec des amis, avec des frères partout dans le monde, oui, par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à Abidjan et à l'intérieur du pays. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est Néhémie chapitre 2, versets 9 à 20. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour que Dieu nous aide à être discret. Discret quand il nous donne une vision. Discret dans tout ce que nous voulons faire. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te glorifions, nous te magnifions pour tous tes bienfaits. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel. Ta parole déclare que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous prions, ô Père éternel, pour la manifestation de ta gloire dans nos vies. Nous demandons, Père, que tu nous donnes la force afin que nous puissions être discrets dans nos projets, dans toutes nos entreprises. Donne-nous, ô Père éternel, à avoir cette maturité, cette sagesse de travailler sur les projets, de travailler sur les idées en toute discrétion, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, ô Père éternel, contre toute forme de sabotage de la part des puissances des ténèbres. Nous prenons autorité sur tout esprit de sabotage et nous déclarons que Jésus-Christ a la main haute sur tout projet des puissances des ténèbres. Ténèbres. Fortifie tes fils et tes filles, ô Père éternel, afin que tout ce que tu nous donnes comme projet, comme idée, nous puissions les mûrir, nous puissions les travailler, afin que la mise en œuvre soit un succès pour l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci, Père, pour ces idées que tu donnes à tes enfants. Nous disons merci pour la solidarité que tu nous donnes. Nous disons merci pour la force que tu nous donnes chaque jour de persévérer pour l'avancement de ton œuvre. Merci une fois de plus, Père éternel, pour tous tes bienfaits. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci, Père éternel, pour la sécurité que tu accordes à tes fils et à tes filles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'un leader doit apprendre à mobiliser les autres à le suivre dans sa vision et à s'approprier de la vision. Tu vas prier. Chacun de nous est un leader potentiel. Tu as quelque chose que tu veux faire ou tu veux mobiliser. Peut-être que tu veux mobiliser tes membres de famille. Tu veux mobiliser les gens que tu diriges. Tu veux mobiliser les membres de ton département dans l'église. Tu veux mobiliser, oui, les gens de ton entreprise à te suivre. Prie le Seigneur afin qu'il t'aide à savoir communiquer et à mobiliser les gens à te suivre dans la vision. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, car tu es le meilleur communicateur. Tu as su communiquer ta parole. Tu as su communiquer ta vision. Tu as su communiquer. C'est pour le salut des humains. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé. Il est mort pour nous. Il nous a rachetés. Nous voulons aussi savoir communiquer notre vision, nos projets, ce que tu nous as mis à cœur à chaque membre de notre famille, chaque membre de notre département, en tant que serviteur de Dieu, à nos fidèles, à ceux-là qui sont attachés à nous, pour que cela marche. Si nous sommes un chef d'entreprise, nous avons un projet, nous voulons que cela réussisse, si cela vient de toi, donne-nous cette bonne manière de communiquer, pour que les gens adhèrent, pour que les gens nous suivent, et que ce projet réussisse, pour le salut des hommes, pour le salut de tous ceux-là qui sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la disette, dans les ténèbres, que le diable tient en captivité. Nous voulons les arracher de la main du diable et les envoyer dans ton royaume. Apprends-nous à savoir communiquer, même dans la prédication, dans la prière, dans l'enseignement de la parole de Dieu, pour que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus de Nazareth, tu nous as fait des communicateurs à nous, à savoir utiliser cet outil très puissant qui amène les gens au Dieu Tout-Puissant, au salut. Gloire à toi, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour faire face à l'opposition de Sanbala, de Tobija et de Geshem. Nous allons combattre l'esprit de Sanbala qui s'oppose à la vision, qui s'oppose à ce que nous voulons faire. Et prions pour qu'il soit vaincu et que Dieu nous donne du succès et que nous puissions dire comme Néhémie, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Que Dieu fasse échouer toutes les stratégies de nos Sanbala, de nos Tobija, au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, nous te bénissons. C'est toi qui exerces nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Nous mettons notre confiance en toi chaque jour. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Nous exprimons notre reconnaissance pour tous ces bienfaits, ô Père éternel. Ce matin, nous prions contre tout esprit de Sambala, tout esprit de Tobia qui s'oppose au projet dans le corps de Christ, au projet pour contribuer à l'avancement de ton œuvre, qui s'oppose aux visions, qui s'oppose aux améliorations, à l'évolution. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que leurs œuvres sont vouées à l'échec. Toute opposition au plan de Dieu est vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se réunissent, tous ceux qui se liguent pour comploter contre le leadership, pour s'opposer au projet dans nos différentes communautés, que leur rassemblement soit dispersé au nom de Jésus-Christ. Que leurs plans et leurs projets soient nuls et de nul effet. Nous désactivons leurs projets sataniques dans le nom de Jésus. Père, fortifie tes fils et tes filles et que la vision que tu as donnée, que les projets qui ont été conçus par ton Esprit Saint puissent s'accomplir, puissent être mis en œuvre dans le nom de Jésus. Nous disons merci au Père parce que ton nom est glorifié chaque fois que ton œuvre avance, que ton royaume avance. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction de la journée. Que le Dieu des cieux vous donne du succès dans tout ce que vous allez toucher, dans tout ce que vous allez entreprendre. Tous ceux qui ont des rendez-vous aujourd'hui, tous ceux qui ont des entreprises aujourd'hui, vous avez un rendez-vous d'argent au nom de Jésus. Que Dieu te donne du succès. Tu as un rendez-vous d'embauche, des stages. Que Dieu te donne du succès au nom de Jésus. Tu as un ministère que tu veux accomplir, servant de Dieu, homme de Dieu. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Que quand tu vas proclamer la parole de Dieu, les gens soient convaincus qu'aujourd'hui, dans ton ministère, tu atteins une nouvelle dimension de la gloire divine et que la bénédiction de Dieu, sa faveur t'accompagne au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance. Son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.